Taillera les veines au JT. Je comprendrai que la vie c'est compliqué. Quand on a du sang dans les poignets, sûrement aussi les bras et les pieds. Je t'ai trompé avec ta meilleure amie. Tu croyais qu'on était au paradis. Ok, c'est moche, mais personne n'a été tué. Moi, ce pauvre chanteur content de ranimer. Va peut-être faire son playback dans l'ambulance. Touche, touche mon cœur, ça me lance. Tu vas pas pleurer toute la journée. Regarde un ange vient de passer. Te jeter, tu comprends pas que c'est l'été, pas toi que j'ai envie de baiser. Il va mieux, il chante dans l'ambulance, c'est encore le buzz à l'ambulance. Les gens sont fous quand ses hanches se balancent, quand je touche mon cœur, ça me lance. Pourquoi maintenant tu souris? J'ai trompé avec ta meilleure amie. Donne-moi la force de te jeter. Tu comprends pas que c'est l'été. Pas toi que j'ai envie d'aisser. Le pneu avant-gauche de l'ambulance a crevé, c'est pas de chance. L'ambulance aussi elle danse. Elle se casse, son cœur lance. Stromae n'avait pas fini de bander. Stromae n'avait pas fini de chanter. Stromae n'avait pas. Stromae.